Amis auditeurs, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de RGM, l'émission calendrier du lundi soir, le calendrier des esclavages et des libérations. Alors au programme de ce soir, eh bien, Mélenchon à BFM TV, réponse au ras-le-bol fiscal. Ensuite, Fernand Reynaud nous racontera le 22 à Asnières. Nestlé Avitel, il pille notre eau. Coluche, nous, dans les manifs, on est obligé de taper. Ensuite, Lucie Aubrac, résister contre l'injustice et pour la démocratie. Et puis, une revue de presse, et puis voilà, la soirée sera terminée. Je vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale. Les jolies colonies de vacances. Pour becter, on nous met à l'aise, c'est vraiment comme à la maison. Les faillots, c'est du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Le matin, on va faire les poubelles, les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les 3/4 du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle. Les jolies colonies de vacances. Yo Hier j'ai glissé dessus une chaise en faisant pipi dans le lavabo. J'ai le menton en guidon de vélo et trois canines au Père-Lachaise. Les punitions sont plutôt dures. Le pion il a pas son pareil. Il nous attache en plein soleil, tout nu barbouillé de confiture. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Youkaidi, Heidi, Aïda. Pour se baigner, c'est le coin tranquille. On est les seules personnes y va. On va se tremper dans un petit bras où sortent les égouts de la ville. Paraît qu'on a tous le typhus, on a le pétrus tout boutonneux. Et le soir avant de se mettre au pieu, on compte à celui qu'en aura le plus. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Envoie mes chers pères et mères, mes baisers les plus distingués. Je vous quitte là, je vais voir ma fiancée, une vieille qu'a au moins ses 10 berges. Les petits, on n'a vraiment pas de chance, on nous fait jamais voyager. Mais les grandes filles vont à Tanger dans d'autres colonies de vacances. Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. Youkaidi, Heidi, Aïda. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 12 juillet? Eh bien, le 12 juillet 1525, par exemple, en France, lors de la guerre des paysans d'Alsace et de Lorraine, le prince palatin entre à Wissembourg. Tous ceux qui ont soutenu les révoltés sont châtiés. Alors, châtié, ça peut vouloir dire assez souvent massacré. Hein. 1655, France. Succès important de la lutte des compagnons imprimeurs. Le Parlement prend un arrêt imposant un préavis de 8 jours pour le patron et pour l'ouvrier avant le licenciement. Il fixe le droit d'accès à la maîtrise à 30 francs au lieu de 300. Il exige un débat préalable sur le prix des travaux extraordinaires. La victoire symbolique, obtenue le 24 février lors de la première entrevue des délégués ouvriers et des patrons, se traduit dans les faits. 1655. Pas 2021, 1655. 1793, France, première expérience du télégraphe Chappe. Vous savez, la tour avec les leviers qu'on abaisse, qu'on relève. Bon. 1839, Grande-Bretagne, la Chambre des communes rejette la pétition chartiste qui avait accueilli 500 000 signatures. Mais tous, de 10 à 60 ans, sont prêts à appuyer leurs signatures avec des pics. La convention chartiste, parlement du peuple, fixe la grève générale pour le 12 août. 1870, France. Les militants parisiens de l'Internationale lancent un appel à leurs frères d'Allemagne pour éviter la guerre. Mais c'est en vain. Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet. Et oui, ils lancent un appel, les militants parisiens de l'Internationale, l'Internationale qui existait déjà, oui, lancent un appel à leurs, entre guillemets, frères d'Allemagne pour éviter la guerre. Vous vous rendez compte? Ils auraient été suivis. Eh bien, ça a évité la guerre de 1870. Qui donc, cela a évité donc la guerre de 14-18. Et cela a évité la guerre de 39-45. Alors, 732 000 morts, plus 8 millions, plus 60 quelques millions, hein, de morts. Pour, eh oui, pour un appel qui n'a pas été entendu, pas respecté. 1884, Cameroun, leur roi Akwa signe un traité d'assistance qui est en fait un acte de soumission légalisant la colonisation du pays par les Allemands. 1889, Autriche. l'Arbeiterzeitung, c'est-à-dire le journal des travailleurs, remplace le Gleichheit, c'est-à-dire l'égalité, comme organe central du Parti social-démocrate. Arbeiterzeitung et Gleichheit, c'est de l'anglais vraisemblablement. Hein. Nous sommes sur une radio locale et libre, hein. Alors c'est sûrement de l'anglais. Voilà. 1903, France, à Hennebon, le 12e jour de grève, le lockout, tiens, ça aussi c'est de l'anglais, hein, eh oui, est prononcé par les directeurs des usines Kerglow et Lockhurst, avec la menace de fermeture et l'obligation de réembauchage individuel. 1912, Suisse, grève générale à Zurich, 15 000 à 20 000 travailleurs de différentes nationalités y participent. 1982, France. Les sidérurgistes de La Chière, menacés dans leur emploi, mettent le feu au château de Buchère, propriété de la Société des Aciers Spéciaux de La Chière. Soutenus par l'intersyndicale de l'entreprise, ils entendent protester contre l'annulation d'une réunion de conciliation prévue ce jour à Revin. 1984, Espagne. Pour la troisième fois depuis le début de l'année, les travailleurs des chantiers navals protestent par la grève contre la reconversion envisagée qui entraînerait le licenciement de près de la moitié des 40 000 ouvriers de ce secteur. Voilà, alors malheureusement, mon petit livret s'arrête à 1984. Bien entendu, il s'est encore passé des choses depuis. Mais là, ça s'est retrouvé dans la presse locale, régionale, nationale, tout ce qu'on voudra. Voilà. Thank you. Capital. Jean-Luc Mélenchon est avec nous. Nous venons de voir Jean-Luc Mélenchon dans le journal de Philippe Godin les images d'hommage à Éric Masson, ces cloches qui sonnent pour saluer la mémoire du policier abattu à Avignon lors d'un contrôle anti-drogue. Il y aura d'ailleurs un hommage qui lui sera rendu tout à l'heure à 14h. Hier, depuis Porto, Emmanuel Macron a affirmé, je le cite, que la violence enflait dans la société, que le rôle de la police était chaque jour rendu plus difficile par cette violence. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, je pense qu'il y a une pente qui est prise, je le vois dans certains secteurs du pays, où les trafics ont été contrariés par le confinement, et où du coup, comme c'est un business illicite, mais c'est un business, la compétition et les concurrences se sont avivés et des actes de violence sont posés, l'insupportabilité pour les populations est plus grande. Et oui, en effet, je le redoute plus, évidemment, l'accumulation de la misère à certains endroits qui donne des débordements de gens qui sont aux abois. Souvent, ne sont plus vraiment là tellement ils sont perturbés psychologiquement. Alors, il faut en revenir à l'essentiel. Le travail de police est un travail. Il a une technique, il a des exigences techniques, et il faut absolument que cette technique soit mise en œuvre. C'est-à-dire du renseignement, discerner qui sont les malfaiteurs, ensuite se donner les moyens d'intervenir et éviter toute action au déboté sans bonnes informations et à vocation plus spectaculaire que policière. Parce que on met les policiers en danger dans ces circonstances, et puis on crée un rapport avec la population qui est fait de malentendus et d'exaspération, et tout ça est pas bon du tout. Vous parlez d'exaspération, d'aspect spectaculaire. On a vu cette nuit à Fréjus, je crois qu'il y a eu d'autres images qui nous sont parvenues aujourd'hui aux Ulis cette nuit, d'un commissariat une nouvelle fois attaqué avec des tirs de mortier d'artifice. On a l'impression que c'est devenu un sport. Non, ne dites pas ça, parce que vous finiriez par en répandre. Vous finiriez par le banaliser. Ce ne l'est pas. Nos sociétés ont toujours connu de la violence et un rapport conflictuel aux forces de l'ordre. C'est la raison pour laquelle, au fil du temps, on a beaucoup travaillé ces questions. On a eu des préfets de police extraordinaires qui connaissaient bien leur métier. Et puis là, on a eu un dérapage. Ce sont les chefs qui sont en cause, qui ont commencé à valider la violence. On a eu un préfet de police à Paris qui a dit à quelqu'un « nous ne sommes pas dans le même camp ». Ce sont des phrases qui marquent les esprits inutilement. Plus une série de violences qui n'ont jamais été punies et jamais mises en cause. Si bien que la tension est extrême. Pour ma part, je pense qu'il faudrait faire redescendre tout ça en changeant les méthodes de travail, en changeant les méthodes de commandement, et surtout en arrêtant de laisser à la disposition de syndicats factieux, de commissaires de police, d'officiers et autres, la promotion et les carrières, parce que ceux-là sont un venin à l'intérieur de la police. Justement, quand vous rendez hommage à ces policiers tués, vous l'avez fait dans le cadre de Rambouillet, vous avez parlé d'un meurtre révoltant. Dans le cadre d'Avignon, vous avez dit « le meurtre d'un malheureux policier provoque une fois de plus ma mise en cause par des policiers d'extrême droite ». On a l'impression que vous ne voulez pas mentionner la profession de ces policiers qui sont tués parce que policiers aussi. Est-ce que vous avez un problème avec la police en général ? Non, votre question est tout à fait offensante. Et je vous demande, est-ce que vous avez un problème avec les couvreurs ? Vous savez le métier de couvreur ? Tous les ans, il en tombe une dizaine des toits et qui meurt, vous n'en parlez jamais. Est-ce que c'est parce que vous détestez les couvreurs ? Mais vous parlez beaucoup des policiers, vous. Vous en parlez beaucoup. Mais moi, je vous parle des couvreurs. Il y a 565 morts par an. Donc souffrez, madame, qu'au milieu de votre agitation et de votre fébrilité, il y ait des gens de sang-froid. C'est mon cas. Je sais que le métier de policier expose à un contact avec les délinquants, qui sont des violents parfois, et des meurtriers, comme ce fut le cas. J'ai dit que j'étais révolté par ce meurtre. Que voulez-vous de plus ? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous me demandez de plus ? Je pense que vous avez une manière de faire qui vient à l'appui des syndicats d'extrême droite, de la police et des commissariats. Mais qui ne sont pas toute la police. S'il vous plaît, madame. Qui ça y est, vous m'avez offensé, la police, c'est fait. Donc, vous voulez en rajouter, c'est qui ça ? Qui ne sont pas toute la police, bon. Ces syndicats. Et cela me désigne en permanence comme si j'étais responsable de ce meurtre. C'est-à-dire, il y a un trafiquant de drogue qui tire sur un policier, et à qui s'en prend-on ? À Jean-Luc Mélenchon. Ai-je jamais assassiné quelqu'un ? Ai-je jamais approuvé quelque meurtre que ce soit ? Moi qui prône la non-violence en politique, même si ma manière de parler mes polémiques, mais c'est il faut faire la différence entre le verbe et l'action. Je désapprouve évidemment et je condamne le meurtre. Et j'espère que cet homme soit rattrapé, qui est responsable de ce crime, parce qu'il savait ce qu'il faisait. Lorsqu'il prend son arme, d'ailleurs, d'où la tirait-il ? C'est une des questions qu'il faut se poser. Dans l'action de police aujourd'hui, il faut davantage de travail pour combattre les réseaux qui distribuent des armes. Quand je suis à Marseille, les gens qui me parlent des quartiers, avant toute chose, ils me parlent de ça, de la circulation des armes. Alors, des fois, il y a des beaux succès. La semaine dernière, la police a arrêté un trafiquant, un militant d'extrême droite qui vendait des armes à des voyous. Peut-être a-t-il vendu une arme à celui qui a tué ce policier. Mais je vois que vous ne posez pas la question. Vous me la posez à moi, qui n'ai jamais vendu une arme de ma vie, ni qui n'en ai manié. Alors, je crois qu'il faut maintenant faire preuve de sang-froid. Alors justement, au sujet des armes, l'actualité, malheureusement, on a fait écho une nouvelle fois cette semaine, Thierry. Oui, cet épouvantable féminicide à Mérignac qui a provoqué évidemment beaucoup d'émotions, d'indignation, de colère, dont la vôtre, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dénoncé l'incapacité à protéger, je vous cite, et à prévenir, alors que l'alerte était donnée. Ça suffit, dites-vous, l'indifférence et le laisser-aller. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui pour lutter contre ces féminicides ? Eh bien, d'abord, quand une femme lance une alerte, on la prend au sérieux. On la renvoie pas chez elle. Quand celui qui fait l'objet de l'alerte est un délinquant qui a été mis en prison déjà pour violence et qu'on sait qu'il sort de prison, on prend ses dispositions pour protéger cette femme. Violence sur conjoint, j'ajoute. Hein. Il a été condamné pour violence sur conjoint. Mais... Oui, c'est vous dire. C'est vous dire le genre d'énergumène. Bon. Quelle disposition, concrètement ? Mais d'abord que la police fasse le travail. Si cette femme vient se plaindre, alors ils prennent des dispositions pour la protéger. On commence par ça, avant de faire des grands discours et des considérations sur Yaka, Foucault. On commence par faire le travail minimum. Je trouve que les alertes lancées par les femmes contre la violence de leur conjoint ne sont pas assez prises au sérieux et qu'elles ne sont pas protégées comme elles devraient l'être. Parce que, je ne sais vous dire pourquoi, je ne veux accuser personne. Mais tout de même, si quelqu'un vient vous dire « je suis en danger », mon époux, là c'est son époux, est en prison parce qu'il a déjà commis des violences, il me semble que quelqu'un aurait dû réagir en disant « mais qu'est-ce qui se passe, madame, nous allons voir ça ». Enfin, c'est un métier de faire ça. C'est pas à moi, homme politique, c'est pas à vous, journaliste, de tout d'un coup vous improviser spécialiste en lutte contre le féminicide. Donc on commence par faire ce qui doit être fait, et c'est-à-dire d'abord prendre au sérieux la parole des femmes menacées. Ça veut dire plus de moyens pour la police ? Ça veut dire des techniques différentes ? D'abord faire le travail. Avant de commencer à dire plus de moyens, parce qu'on n'en finit plus avec plus de moyens. Plus de moyens, plus de moyens, plus de moyens. Alors évidemment, dans le programme des Insoumis aussi, est prévu d'embaucher des policiers. Oui, mais les embaucher pour quoi faire ? Les embaucher pour prendre au sérieux les plaintes qui sont déposées. Et je pense que dans cette situation, il y a eu une faillite. Le dire, ce n'est pas accuser. C'est pousser à réfléchir pour voir comment on corrige les erreurs qu'on a commises. Si on ne dit rien, s'il y a une espèce de loi du silence qui fait qu'on n'a rien le droit de dire, parce que si par hasard on dit sans froid, un journaliste va en déduire que vous êtes complice du crime, il est évident qu'on ne peut plus parler de rien dans ce pays. On peut juste applaudir et se lamenter. Moi, je suis évidemment révolté de voir qu'on tue de sang-froid un homme dont il suffisait à son agresseur de regarder l'apparence pour se rendre compte que c'était un homme jeune, donc vraisemblablement un père de famille. Donc celui qui tire sait ce qu'il est en train de faire. Évidemment, c'est une attitude humainement répugnante et qui soulève le dégoût. Mais pour autant, je pense que nous devons, à la mémoire de ce policier, d'interroger avec précision le travail de police qui est fait. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que le père du policier a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de récupération politique sur ce meurtre. Eh bien, cet homme fait preuve d'un sang-froid qui doit nous servir de leçon. Autre sujet qui vous a révolté ces derniers jours, Jean-Luc Mélenchon, la tribune signée par des militaires. Alors, votre plainte a été classée sans suite, celle que vous aviez déposée à l'issue de ce texte, et on apprend qu'une nouvelle tribune doit être publiée ces prochains jours. Alors, anonyme celle-là, le magazine qui la publie parle de militaires d'active. Et tout cela a donné lieu, très vraisemblablement, tout cela a donné lieu à une scène hier au cours de la commémoration du 8 mai 1945 qui a marqué les esprits, vous l'avez sans doute vu, Emmanuel Macron, qui a pris le temps de s'entourer des différents chefs d'état-major de l'armée, une forme de conciliabule et d'échange. Comment est-ce que vous réagissez à l'idée qu'une nouvelle tribune soit publiée et que manifestement le pouvoir y consacre de l'attention ? C'est une situation d'une exceptionnelle gravité. L'armée représente quelque chose de particulier dans une société. La force de l'armée, c'est sa cohésion. Pour qu'elle soit cohérente, il faut y proscrire non seulement les disputes politiques dans ses rangs, mais qui plus est, les attitudes factieuses, c'est-à-dire qui invitent des militaires à se tourner contre la population, parce que c'est de ça dont on parle. J'ai donc réagi, j'ai été étonné. Moi, je devais attendre de rentrer de Bolivie. Je me voyais pas très bien depuis la Bolivie commencer à prendre à partie ces gens-là. Je l'ai fait dès que je suis rentré par une conférence de presse. J'ai été suivi et j'en ai été content. La CGT et même le Parti Socialiste s'est réveillé le lendemain. Mais j'ai été étonné de la forme d'indifférence qui est celle de gens qui finalement semblent n'avoir aucune expérience du drame que représente, comme ma génération a pu le connaître à propos des événements d'Algérie, le moment où l'armée se déchire. Et il faut donc intervenir avec force et vigueur et châtier les coupables. Quand on est militaire, on ne fait pas ça. Et d'ailleurs, le général Lecointre, qui est chef d'état-major des armées, a pris les bonnes décisions. Et maintenant, voilà que le journal Valeurs Actuelles, s'appuyant sur la décision du procureur Rémy Hetz, qui dit « circuler, il n'y a rien à voir, on s'en fiche », nous avons donc fait appel. Évidemment, ce journal, lui, fait de la surenchère et dit qu'il y a 2000 militaires. Alors, ils disent que c'est anonyme. Ce sont donc des lâches, en plus d'être des factieux. Car s'ils n'étaient pas lâches, ils donneraient leur nom. Moi, je m'appelle Mélenchon, je dis mon nom, je suis présent devant vous, et j'ai l'intention de purger l'armée des factieux. Et je dis mon nom et je le dis devant vous. Si je suis élu président de la République, ces crimes ne resteront pas impunis. Je pense que Macron doit faire mieux que de discuter avec les chefs d'état-major. Il doit prendre des sanctions. Il est le chef des armées. Au-delà de l'aspect de fond dont vous parlez, c'est devenu un sujet politique. Et rien n'est innocent dans cette période de régionale et de présidentielle. C'est devenu un sujet de récupération. Ah ben, tout à fait. Et puis c'est surtout un sujet qui est horrible parce que l'armée, c'est pas des factieux. La troupe, les officiers généraux sont tous des républicains. Il y a là une poignée d'agités qu'il faut punir. Et surtout qu'ils prennent les autres en otage parce que les autres, eux, ils respectent leurs devoirs. Ils ne disent rien, ils ne signent pas de papier et ils ne font pas d'incidents politiques. Alors ceux-là sont pris en otage par une poignée de gens. Et le journal qui publie des soi-disant appels anonymes joue un rôle de provocation. Il est tout de même extraordinaire qu'un procureur de la République, alors qu'il s'agit d'un comportement qui s'oppose à ce qui est non pas simplement dans la loi, mais dans la Constitution, ne trouve rien à redire. J'ai donc fait appel de sa décision auprès de Madame Champrenault, qui est, comme chacun le sait, fort prompte à déclencher des enquêtes préliminaires pour un oui, pour un non, avec un maximum de policiers. Par exemple, à Fréjus, vous avez vu, ils ont déployé 70 policiers de plus. Eh bien, pour me perquisitionner, il y en avait 100, c'est-à-dire 30 de plus. Donc, nous avons là affaire à quelqu'un qui, dans le passé, a montré sa hâte à faire de la persécution politique, ou en tout cas, s'intéresser à la politique. C'est le moment. Je veux vous dire vraiment avec sérieux. Nous tous, vous qui interprétez, analysez, commentez, et nous, les dirigeants politiques, nous devons faire preuve, en ce moment, de beaucoup de sang-froid et de beaucoup de détermination. La République ne se négocie pas dans les casernes et dans les commissariats. Elle est là et elle est le régime que défendent l'ultra-majorité des militaires qui respectent leurs devoirs et leurs drapeaux et une bonne partie des policiers. Donc nous devons être fermes, pas donner le sentiment qu'on a peur ou qu'on considère ça comme un folklore. Anne. On va parler de politique. La bataille pour les régionales est lancée. Et dans le Nord, il y a Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui sera candidat pour La République En Marche, tête de liste dans le Pas-de-Calais. C'est une arrivée surprise. Est-ce qu'elle vous surprend, cette intervention, cette arrivée du garde des Sceaux dans la bataille des régionales? Non, il va se faire plier parce qu'il représente à peu près tout ce que les gens détestent. C'est-à-dire les avocats, fort en gueule, bavards, injurieux. De Paris, et là dans le Pas-de-Calais nous avons affaire au peuple travailleur qui est usé de misère et de souffrance, d'entreprises qui ferment, d'emplois perdus, et voir cet homme venir comme il le fait, je pense que ça exaspérera davantage qu'autre chose. Je compte donc sur mes camarades pour être vaillants et combatifs et aller voir les gens, non pas pour faire du spectacle mais défendre des idées. Moi-même, j'avais été dans la circonscription, si vous en souvenez, de Madame Le Pen. Elle m'avait battu au premier tour. Et puis, les socialistes avaient fait élire un brillant combattant qui ensuite a disparu dans le décor et n'a plus jamais rien fait, tant et si bien que le Front National a ensuite gagné la mairie et le reste. Par conséquent, il ne faut pas faire confiance aux hommes de pacotille dans la lutte, dans une lutte aussi sévère que celle qui nous oppose au Front National, parce que nous avons affaire à un parti déterminé dont la chef a soutenu les militaires factieux, encourage les syndicats factieux de la police et fait toutes sortes de déclarations contre les traditions républicaines de la France, sans que maintenant plus personne n'y trouve à redire. Cette femme est totalement dédiabolisée, alors elle peut aller devant la colonne Vendôme et pleurer contre la Révolution française et personne ne dit rien. Alors le combat contre le Rassemblement National, il en sera question aussi dans une autre région, Thierry. Oui, la vôtre, Jean-Luc Mélenchon, celle du Sud. Avant de parler de ce qui se passe à droite, peut-être un mot de ce qui se passe de votre côté, à gauche, où manifestement c'est compliqué. Il y a eu dans un premier temps une liste communiste, socialiste, vert, sans la France insoumise, et puis... Non, précisé. Sans la France insoumise, parce que la France insoumise a été exclue de cette liste par les gens que vous venez de nommer, c'est-à-dire les communistes, les socialistes... Voilà, ils n'ont pas voulu de vous, et ensuite, dans un deuxième temps, les écologistes se sont fâchés entre eux, manifestement, et se sont scindés, d'où une réaction de votre part pour dénoncer ce ridicule, vous dites, cette irresponsabilité. C'est irresponsable, ridicule. Nous sommes dans la main d'une poignée de gens qui s'arrangent entre eux, se répartissent les places et les postes et ne veulent rien changer à leurs mauvaises habitudes. Une fois qu'on a dit ça, Jean-Luc Mélenchon, à quelques semaines de la tenue du scrutin, est-ce que vous pensez que cet avertissement, cette colère de votre part va être entendue ou est-ce que la machine à perdre est partie trop loin pour être rattrapée ? Non, je pense qu'ils ne tiennent aucun compte de ce que je leur dis. Mmh. Bon, ils ont bien le droit, ils font ce qu'ils veulent. À l'occasion des municipales, j'avais plaidé pour qu'il y ait une seule liste. Finalement, il n'y en a pas eu une. J'ai donc attendu le deuxième tour pour soutenir la liste que menait Madame Rubirola, qui entre-temps a disparu, et c'est Monsieur Benoît Payan qui est devenu maire, ce qui n'était pas prévu au point de départ. Donc il y a là, si vous voulez, une sorte d'immaturité des dirigeants politiques locaux, que je déplore, qui sont extrêmement, tellement enfermés entre eux-mêmes que le minimum, de la courtoisie, n'est même pas respecté. On ne consulte personne, ça se décide entre quelques-uns. Ils excluent des gens, imaginez-vous. Enfin, je n'ai jamais vécu ça, moi j'en ai vu. Hein. Mais la dirigeante nationale des Verts arrive dans une conférence Zoom à Marseille et dit « On veut pas des insoumis, tous les autres. » Oui, chef. Le lendemain, ils se battent entre eux. Le surlendemain, ils vont se battre entre qui ? Tout ça est irresponsable, puisqu'on dit que la menace de l'extrême droite est très grande, en PACA, et la droite de Monsieur Muselier est triomphante, justement. D'autant que le bonhomme est quand même assez habile. Justement, Jean-Luc Mélenchon, on a évidemment beaucoup de questions à vous poser sur la gauche, sur les conditions auxquelles elle peut s'unir et essayer d'aller unie vers la victoire. Mais pour rester sur la région, pour rester sur le cas de Renaud Muselier, l'alliance a ou pas avec La République En Marche, on a l'impression que c'est très compliqué de savoir comment ça s'organise entre ces deux. Écoutez, ces deux ça mouvements. C'est votre job à vous, c'est vous le commentateur. Bon, moi je suis protagoniste, direct de la situation. Qu'est-ce que ça vous dit quand même de la situation politique attendez, aujourd'hui? La leçon que j'ai tirée, j'ai quand même tiré c'est une ça, leçon. C'est ça la question, oui. Elle est nationale. On m'a joué toutes sortes de musiques sous mon balcon pour l'unité, blablabli, blablabla, et que ça serait mon ego le problème. J'avais beau leur dire, mais écoutez, je veux bien faire l'unité, mais parlons du programme. Non. Eh bien, les gens à qui nous avons tendu la main, nous avons fait l'effort de dire, ok, c'est vous qui avez toutes les têtes de liste, parce que vous ne supportez personne d'autre que vous. C'est le cas d'Europe Écologie Les Verts. Hein ? Heureusement qu'on leur a tenu tête en région parisienne et que Madame Autain va leur mettre la fessée qu'ils méritent. Mais tout de même, on a fait ces gestes. Et eux, la conclusion, c'est ils éliminent les insoumis des départementales et des régionales. Vous m'avez regardé, vous croyez que je suis homme à qui on fait ce genre de traitement et qui ensuite va dans son coin le mouchoir à la main pour pleurer ? Non, j'en ai tiré la leçon. Ce sont des menteurs, des hypocrites et des fauchetons. Par conséquent, nous n'avons aucune raison de tenir compte de ce qu'ils nous disent, et nous devons au contraire marcher nous-mêmes avec nos idées, nos propositions, et dire aux gens, vous en voulez, élisez-moi, ça sera fait. Justement, vous n'en voulez pas, élisez quelqu'un d'autre. Dans un instant, vos propositions sociales, on parle d'environnement, un mot sur la crise sanitaire, et question politique aussi qui concerne vos alliés d'il y a 4 ans, les communistes, ils votent ce week-end. Oui. Fabien Roussel ou Jean-Luc Mélenchon? On voit ça dans un instant. Non, c'est pas ça le sujet, c'est seulement c'était ça, je gagne. À tout de suite. La suite de BFM Politique en compagnie d'Anne-Sora Dubois, de Thierry Arnaud et Jean-Luc Mélenchon est donc notre invité ce midi. Les adhérents communistes, Jean-Luc Mélenchon, votent en ce moment, ce week-end. L'appareil communiste a désigné Fabien Roussel comme candidat à l'élection présidentielle, mais les adhérents se prononcent, eux, sur le nom. Le nom et la possibilité d'avoir un candidat à eux. Il y a 4 ans, vous étiez le candidat des communistes également. C'est moi, oui. Ouais. Et puis avant aussi. Est-ce que vous avez peur d'une candidature de Fabien Roussel ? Peur, non, mais c'est un crève-cœur pour moi. J'ai fait 2 campagnes présidentielles avec les communistes. On a eu quand même de beaux résultats. On a démarré à 3,5, on a fini à 11, puis le coup d'après à 19,5. À une poignée de voix, on y arrivait. On est arrivé au deuxième tour. Bon, pour moi, c'est une tristesse de voir que tout ça est passé par-dessus bord par Fabien Roussel. Bon, ils décident ce qu'ils veulent. Il y a 2, personne ne propose ma candidature. Moi, j'ai écrit pour dire je vous propose ma candidature. Je ne suis pas sur le bulletin de vote et personne n'a répondu à ma lettre. Ni à la suivante non plus. Alors je vois ça, je le regrette, je préférerais qu'on fasse équipe. Et puis, si vous voulez, pour nous, je parle là du mouvement, l'histoire longue, de ce que nous sommes dans le temps. Quel était l'enjeu ? C'était que nous, qui formons le pôle populaire de la rupture, nous soyons en tête devant la vieille gauche, quoi, les socialistes, les verts. Avec leur programme obsolète, c'était ça l'enjeu. La dernière fois, on a gagné, ils étaient tous ensemble, et nous, on était ensemble, et c'est nous qui étions nettement devant. Donc nous, on est en état de prendre, d'englober. Alors, est-ce que ça va m'empêcher d'y arriver ? C'est la question qui m'est posée. Eh ben, je vais me battre pour que non, mais ce sera plus difficile pour moi. Mais je compte quand même que des milliers de communistes vont militer et voter avec moi. Si jamais ils le désignent, vous considérez que c'est irrévocable, que la décision ne peut pas être contournée par des discussions. Dans la vie, les choses changent, bougent, il faut y mettre de la volonté, j'y mets beaucoup de volonté, je fais du mieux que je peux, j'y mets tout mon cœur, toute mon ardeur, vous savez bien que je ne suis pas en train de faire une carrière, tous ces gens-là comptent sur le fait que 2022 est perdu, et que donc ils préparent ils installent leur ronde serviette et leur couvert pour l'élection de 2027, je les connais, je sais ce qu'ils racontent entre eux. Moi, je ne fais pas carrière. Tout le monde comprend que j'aurai 71 ans, donc je ne commence pas une carrière. Je ferai ce que j'ai dit que je ferai si on m'élit, et les gens peuvent avoir pour première garantie mon âge. Est-ce que vous proposez toujours un rassemblement de la gauche derrière vous ? Non, parce que ce n'est pas faisable. Je me sens une vocation de candidat commun, mais je ne veux pas mépriser le fait que les socialistes sont déterminés à continuer comme avant. La même politique, remarquez, ils n'ont pas dit qu'ils abrogeraient la loi El Khomri dans leur programme. Ils n'ont pas dit qu'ils passeraient à la cinquième à la sixième République. Ils ne changent rien. Et l'un de leurs porte-parole les plus éminents, Monsieur Cazeneuve, il se fait interroger par l'Express et la seule chose qui lui vient à l'esprit, c'est Mélenchon doit être combattu. Et c'est à la une du journal. Pas Le Pen ou Macron, non, Mélenchon. Je ne m'en suis pas totalement surpris. La quasi-totalité du groupe socialiste à l'Assemblée nationale s'est abstenue au moment du vote de confiance pour Monsieur Macron. La totalité s'est abstenue sur le vote de la loi séparatisme. Je pense que le PS fait un choix, si vous voulez, de ligne centre très modérée, éventuellement compatible à certains moments. Mais quand on vous écoute, Jean-Luc Mélenchon, on a quand même du mal à voir l'équation qui vous mène à la victoire. On constate là que les communistes seront les candidats. Vous nous dites, pour des raisons qui sont parfaitement entendables, je ne me vois pas travailler avec le PS. Or, on se dit, si la gauche n'est pas capable de s'unir, elle ne peut pas gagner. Ah, c'est ce que vous dites vous, mais c'est pas ce que je dis moi. Parce que ça, c'est le piège dans lequel tombent tous ces jeunes gens. On leur dit, alors, si vous êtes unis, vous gagnez. Mais si vous n'êtes pas unis, vous avez perdu. Tout le monde sait qu'on ne sera pas unis, donc on proclame qu'on aura perdu d'avance. Et puis, ce n'est même pas vrai. Quand vous regardez les sondages, ces forces ne s'additionnent pas. Qu'est-ce que je compte faire ? Mais je pars de mon temps, de mon époque, du moment où je vis. On n'est plus en 80, on n'est plus dans les années 70, de ce point de vue, hélas. Donc, à notre époque, les gens sont complètement éparpillés de tous les côtés. Ils ne cherchent pas les étiquettes, ils cherchent les mots d'ordre. Donc, quand ils ont affaire à moi, eh bien, ils entendent un programme, et j'espère les convaincre de ça. Et il n'y en aura pas 36, vous aurez tous ceux qui seront d'accord pour continuer le système Macron, vous aurez ceux qui diront « le problème dans ce pays, c'est les musulmans, ils vont voter avec Mme Le Pen », et puis il y a ceux qui pensent que le problème, c'est les sous, c'est la situation sociale, c'est le droit à l'emploi. Donc, ce que vous dites, c'est il faut rassembler... Pourquoi je vais être fort, monsieur ? Écoutez-moi bien, pourquoi je vais être fort ? Parce que jusqu'à présent, vous m'avez traité souvent comme quelqu'un d'un peu étrange, qui a des idées, bon, bien sympathique mais exagéré. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui quand vous voyez monsieur Biden qui décide de passer l'impôt sur les sociétés de 21 à 28% pendant le temps où monsieur Macron lui fait le chemin inverse. Quand il décide de taxer les profits du capital à 40% alors que monsieur Macron les a amenés à 30%. Qui a raison ? Alors je vais vous dire, si vous voulez appliquer la politique fiscale qu'est en train de faire monsieur Biden, vous votez pour moi. Si vous trouvez que monsieur Macron a raison, continuez avec lui. Je vais vous dire une chose. Souvent j'ai été précurseur et vous m'avez moqué injustement quand je vous parlais d'un impôt universel sur les personnes et sur les sociétés, c'est-à-dire vous payez dans le pays où vous êtes ce que vous devez, mais s'il y a une différence avec la France, la différence, vous la payez à la France. Monsieur Biden vient de proposer ça pour les entreprises des États-Unis d'Amérique. Je propose la même chose dans mon programme. Pourquoi je le propose ? Pas pour punir les riches ou parce que je les aime pas, c'est pas le sujet. C'est parce qu'on a besoin de beaucoup de sous pour faire face à la situation dans laquelle nous nous trouvons. D'ici quelques mois, quand je reviendrai sur votre plateau, vous aurez des milliers d'entreprises qui n'auront pas été capables de rembourser le prêt garanti par l'État. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va les laisser mourir. Savez-vous que le CAC 40 cette année, avec les dividendes qu'il distribue, on aurait pu dire, écoutez, année blanche pour tout le monde, on vous donne comme rémunération l'inflation pour pas que votre capital soit usé. Et puis tout le reste, tchouf, à la caisse commune. Pourquoi ? Pour empêcher les petites entreprises de mourir. C'est 51 milliards qu'ils vont répandre. Il y a de quoi embaucher 1 million de personnes avec cette somme. Alors qui a raison à la fin ? Celui qui vous dit « tâchons de nous en sortir tous ensemble, serrons les coudes, que ceux qui ont le plus donnent le plus, ceux qui ont le moins, ben ils donnent rien », ou bien ceux qui continuent à vous dire « enrichissons les riches parce que l'argent va finir par ruisseler sur les pauvres ». Jean-Luc Mélenchon, ça n'a jamais marché. Vous parlez de Joe Biden, alors il va faire son... Les États-Unis dans son siège vont faire leur retour dans les accords de Paris sur le climat. Aujourd'hui, il y a des marches pour le climat un peu partout dans le pays. Le référendum climat qu'on trouve en une du journal du dimanche, aujourd'hui, faute d'accord avec le Sénat, le journal écrit que le président Macron aurait refusé, enfin renoncé au référendum sur la modification constitutionnelle. Ça peut être vrai. Sauf qu'ils sont contredits par Emmanuel Macron dans Agence France-Presse, dépêche juste avant cette émission, qui dit non, c'est pas du tout enterré. On va expliquer à nos téléspectateurs très rapidement qu'en gros, au Sénat, la droite voulait le mot préserver l'environnement, là où le projet c'était la garantir de la protection. Voilà. Comment vous lisez tout ça, Jean-Luc Mélenchon ? Que c'est une grosse magouille. Monsieur Macron compte sur les sénateurs pour envoyer son référendum à la trappe, et il sait très bien que les sénateurs voteront jamais son truc, d'ailleurs moi non plus, parce que la phrase qu'il prévoit est moins protectrice que celle qui se trouve déjà dans la Constitution. Donc franchement, c'est pas une trouvaille. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet fondamental, c'est qu'on est en train de rater le point de passage. Le climat a changé et c'est irréversible. Alors, vous me regardez, je vous remercie de votre attention, mais ceux qui m'écoutent en ce moment, la plupart, le croient pas. Ils pensent que oui, bon, on va faire un peu plus chaud, il y aura un peu plus de pluie. Non, non, non. Le climat est en train de changer et il va falloir... On le croit de plus en plus. Quand même. Oui, je on sais, voit bien aussi sûr. De plus en plus. J'exagère un peu pour les obliger à bien réfléchir. Mais si vous voulez, le changement étant irréversible, il va nous mettre dans une situation d'imprévu permanent. Regardez. Les courants maritimes, il y a un tapis roulant, le chaud, le froid, le chaud, le froid, dans l'Atlantique, qui fait la saison sur les deux rives. Ce tapis roulant est ralenti dans des conditions telles que nous ne savons plus quel va être le régime des pluies et des sécheresses. L'axe de la Terre bouge 17 fois plus vite en ce moment parce que les pôles sont en train de fondre. Le niveau des mers, qui ne devait monter que de quelques centimètres, va beaucoup plus vite que prévu. Donc, nous allons être confrontés à des situations de crise climatique résultant du climat. Alors, c'est... les voies ferrées arrachées, des conduites d'eau pareilles, des terrains qui déballent, et il va falloir savoir que fait-on dans cette situation. Vous avez le choix entre deux logiques de vie, tous ensemble ou chacun pour soi. Vous avez déjà des gens qui font chacun pour soi. Ils disent, va y avoir un problème d'approvisionnement en eau, je m'installe ma citerne. Il va y avoir un problème pour l'électricité, je m'installe mon groupe électrogène. Mais tous les autres, non, dans les villes et ailleurs, on ne peut pas faire ça. même si nous connaissons des pays où, en effet, on installe des citernes. Regardez Alger, un peu partout. Alors justement, l'eau, c'est un sujet qui vous préoccupe, nous en avons déjà parlé ici. Entrons dans le concret. Voilà, puisque vous parlez d'approvisionnement en eau, vous avez tenu précisément plusieurs meetings sur l'eau ces derniers temps, et vous avez parlé en sorte d'une forme de collectivisation de l'eau et d'un prix de l'eau qui serait dépendant de l'usage. En clair, l'eau est plus chère si on veut remplir sa piscine que si on veut se doucher. Mais est-ce que c'est applicable, ça ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Comment on contrôle ce genre de choses ? Oui, c'est très facile à faire, parce qu'on attribue des mètres cubes gratuits pour que tout le monde, les premiers mètres cubes, quelle que soit votre fortune, veut bien vous laver, pas seulement pour les autres, mais pour vous-même, parce que vous tomberez malade si vous ne le faites pas. Et donc, vous rendrez les autres malades. Donc, les premiers mètres cubes d'eau, et comme les premiers kilowatts d'électricité. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent une situation abjecte. Hein. Oui. Alors, on n'a plus le droit de leur couper l'eau. Les compagnies ne coupent pas l'eau. Alors, ils vous coûtent des petites gouttes, et donc, toute la journée, les gens mettent des casseroles, des bouteilles pour avoir de l'eau. L'eau va devenir une matière rare et précieuse. Finalement, l'homme qui avait raison, c'est l'écologiste René Dumont, en 74, avec son verre d'eau. Donc voilà, nous avons besoin que l'eau soit un bien collectif. Ça veut dire que chacun aura une base, un nombre de mètres cubes, et ensuite, dès qu'on dépasse ce nombre de mètres cubes, on a une surtaxe, et on peut l'eau plus cher. Oui, c'est facile à faire, vous savez, quand vous remplissez votre piscine, forcément, il y a un robinet. Si c'est sur le robinet en question que vous installez un compteur, vous savez où vous en êtes. Non, techniquement, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est que tout le monde n'a pas encore compris que l'eau allait être un bien rare et précieux. Vous savez que j'étais en Bolivie, là, récemment. Il y a une équipe formidable de scientifiques français qui sont sur le lac Titicaca, et avec des Boliviens, et ils travaillent pour analyser. Vous regardez ce lac, vous dites, c'est le paradis sur Terre, il est magnifique, il est tout bleu, le ciel est bleu, tout est beau. Sauf qu'il est en train de mourir asphyxié. Et les Français ont acquis avec les Boliviens un savoir-faire. Les Boliviens sont très forts. Et c'est eux qui sont les premiers qui ont inscrit le droit à l'eau dans leur constitution et à l'ONU. Donc, dans la période qui va s'ouvrir, moi, j'installerai un système. J'ai proposé d'ailleurs quelque chose. J'ai pas réussi mon coup parce que ça n'a pas retenu l'attention. Moi, je propose. Aujourd'hui, on a des régions qui ne veulent rien dire. 13 régions, il y a tout et n'importe quoi là-dedans, ça n'a pas de sens. Je propose qu'on réorganise la carte administrative de la France, des régions, pour les faire correspondre au bassin versant. Bon, aujourd'hui, nous avons 9 grandes agences. On peut aller jusqu'à sur le territoire de l'Hexagone. Puis après, il y a les territoires. Départements et territoires d'outre-mer où la situation de l'eau est désastreuse dès aujourd'hui, je propose qu'on réorganise de manière à ce que les régions aient comme responsabilité numéro un la question de l'eau. Mais la question de l'eau, c'est pas juste l'eau qui coule dans la rivière. C'est les eaux sales qu'on y amène, c'est la façon avec laquelle les industries traitent tout ça, c'est la façon avec laquelle on aménage les berges. Je ne veux pas vous saouler avec les détails de la manière de gérer l'eau, mais je vous adjure de comprendre que c'est un bien fondamental. Il n'y a que 1% d'eau potable sur cette planète, alors que 70% de la planète, c'est de l'eau. Et à 2%, à 12% de manque d'eau, vous êtes mort. Donc, on ne peut pas s'amuser avec ce sujet. Et j'ai l'intention, si vous voulez, une campagne électorale, il y a le résultat que vous faites, qui est une politique globale, et puis à chaque fois, vous faites les idées avancent, ici ou là. J'espère que, quoi qu'il arrive, j'aurai au moins fait avancer cette idée, que les biens communs sont des biens collectifs qui appartiennent à tous les êtres humains qui doivent y veiller tous ensemble et pas à des boîtes privées qui font des sous avec. Intéressons-nous aux jeunes, Jean-Luc Mélenchon. Proposition de François Ruffin, qui est député membre de votre groupe, retoqué à l'Assemblée nationale cette semaine de mettre en place un RSA jeune. En fait, il y a une divergence de point de vue, c'est ce qu'explique le gouvernement, qui préfère des mesures ciblées. Ils expliquent préférer des mesures ciblées. Alors pourquoi est-ce que vous faites... Parce que d'abord la loi qu'a présentée François avec beaucoup de talent, et il l'a fait avec ce qu'il fallait d'émotion pour que les autres arrivent à comprendre qu'on n'était pas seulement en train de discuter d'un sujet technique parmi d'autres. La situation d'une partie de la jeunesse tout à fait importante, c'est une situation où des gens ont faim, où des gens ne savent plus où se loger, etc., etc. Donc il faut maintenant des mesures de secours. Et le groupe La France Insoumise a décidé de faire cette proposition de RSA pour les jeunes comme une mesure d'urgence. À la quoi nous répond le gouvernement ? Mais les jeunes, c'est pas le RSA qu'il leur faut, c'est du travail. Ben très bien, alors donc, et donnez-leur du travail si vous voulez pas leur donner le RSA. Mais vous pouvez pas ni le RSA ni le travail. Donc nous appelons au secours, c'est ça que nous disons. Alerte, il y a maintenant dans la jeunesse une situation de détresse extrême. Le gouvernement dit qu'il prend des mesures ciblées. Il faut bien qu'ils disent quelque chose. La réalité, c'est qu'il a rien l'intention de faire. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que les droits en France, nous, les Français, comme on le comprend, Ce sont des droits universels. Qu'est-ce qui est le plus urgent, selon vous, pour les jeunes, aujourd'hui ? Déjà qu'ils puissent avoir le minimum de liberté pour vivre. Donc, pour ça, quelques revenus. Il faut pouvoir manger, il faut pouvoir suivre ses études. Il faut qu'on cesse de les humilier, comme on le fait actuellement. Regardez les élèves de BTS, ce sont les techniciens supérieurs. C'est l'élite des travailleurs du pays. C'est la formation, c'est Bac plus 2. Hein. Il y a le bac professionnel, après vous avez BTS. Et après, si vous pouvez passer à licence professionnelle, et au passage, vous avez une pensée pour moi, parce que c'est moi qui les ai créés. C'est l'élite. On ne fait pas un pays développé si on n'a pas ce niveau-là. Ce sont des jeunes gens qui sont le contraire de rigolos bringueurs, même s'ils peuvent être et rigolos et bringueurs. Ouais, on peut être bringueurs, oui, sérieux aussi. Hein, oui, ça marche, mais hein. Je veux dire par là que ceux-là, ils suivent leurs études avec un sérieux. Bon, là, il y a les examens. Voilà que le ministre leur dit, vous devez venir tous dans la salle pour faire l'examen. Ils disent, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire votre histoire? On va tous tomber malades. Et s'il y en a un qui est malade, il vient quand même. Parce qu'il se dit, mais moi, je veux pouvoir m'inscrire l'année d'après en licence professionnelle. Donc, il faut leur donner le contrôle continu. Vous m'avez posé la question des urgences. Là, il y a 270 000 jeunes qui attendent une réponse. Donnez-leur le contrôle continu. Si vous avez le sentiment, et eux sont les premiers qui le sauront, que il y a manqué quand même telle ou telle formation dans leur... on fait des cours de rattrapage pendant l'été. Mais par pitié, donnez-leur le moyen de faire la preuve de leur talent, parce que sans ce diplôme, ils auront perdu leur année. Ce sont des enfants des milieux populaires qui ne peuvent pas se payer à perte de vue des études. Jean-Luc Mélenchon, le temps file avec Thierry, un ou deux points précis de ce livre programmatique, le 3 qui sort cette semaine. C'est le numéro 3 qui va sortir dans quelques jours, dans lequel vous proposez, vous reproposez la mise en place de la semaine de 32 heures. Elle était déjà dans votre programme présidentiel. Un SMIC à 1 400 €. Combien ça coûte? Qui finance? Est-ce que ce sont les employeurs? Est-ce que ce sont les impôts? Est-ce que ce sont les deux à la fois? Comment ça marche? Ça marche bien. D'abord, je propose de rétablir les 35 heures, parce que aujourd'hui, 35 heures, c'est juste marqué dans la loi. Comme la 36e heure, elle est à plus 10%, autant dire qu'elle est quasiment au tarif ordinaire. Vous proposez surtout de passer et puis à 32, progressivement. Non, mais il faut travailler sur les 32 heures, parce qu'il y a des pays qui sont pas des pays communistes, qui pratiquent la semaine de 4 jours dans le nord de l'Europe, et ils ont l'air de s'en porter très bien. Comment ça se finance? Ça se finance avec une sorte de tapis roulant, vous voyez. C'est-à-dire que quand les gens travaillent tous, ils ont donc tous un revenu, donc ils payent tous des impôts, donc ils donnent tous des cotisations sociales, donc le déficit arrête et la machine se met à refonctionner. C'est un peu l'effet que vise Joe Biden aux États-Unis d'Amérique, dont vous voyez que je le cite pour la troisième fois, ce qui, de la part de quelqu'un qui est en général très sceptique à l'égard des Américains, est une nouveauté. Tout ça fonctionne à condition, bien sûr, que le cycle dans son ensemble soit amorcé. Mais ce que je voudrais vous dire surtout, qui fait la différence entre nous et quelques autres, nous sommes partisans du plein emploi. Je vous parle très sérieusement. Nous avons besoin de millions d'heures de travail dans ce pays, que ce soit pour l'assistance aux personnes ou pour les travaux qu'il y a à faire, parce qu'avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le changement climatique, je vais vous dire, ça commence par la pelle et la pioche. Parce que au rythme auquel on est en train de changer les canalisations d'eau qui passent dans le sol, il y en a pour 150 ans. Et pour les lignes électriques, il y en a pour 350 ans. On n'a pas le temps. Mais justement, ça fait beaucoup de travail à faire. Imaginons que le cercle vertueux que vous imaginez se mette en place progressivement. Il reste que, comme vous le dites vous-même, il faut l'amorcer, ce cycle. Et l'amorcer, oui, c'est un coût important que vous financez comment? Au début, tout à l'heure, je vous ai parlé de changer l'impôt sur les sociétés, les profits du capital. Non, mais je parle déjà de l'impôt sur la partie qui est du gras, quoi. Hein, je vous parle pas du reste. Ça fait beaucoup de milliards. Tout à l'heure, je vous ai parlé des bénéfices du CAC 40. Supposez que j'ai été le président à ce moment-là, et j'aurais dit, écoutez, on vient de passer une année affreuse. Il n'y a pas un bistrotier qui a pu ouvrir, les restaurants étaient fermés, pour eux, c'est année blanche. Vous leur prêtez des sous, vous comptez qu'ils vous les rendent. Pour qu'ils vous les rendent, faut bien qu'ils bossent, et puis il faut bien que vous les aidiez. Par conséquent, si j'avais dit, écoutez, c'est année blanche pour tout le monde, et les grandes entreprises du CAC 40, ok, on vous rémunère, pas que l'inflation cette année, ce que c'était, un point ou deux, rien du tout, hein. Et puis tout le reste, tout dans la caisse commune. Mais est-ce qu'on peut faire ça? C'est très facile de faire ça. Oui, c'est très facile, sauf que on est dans un monde ouvert, et ceux qui ont les actions dans une entreprise française peuvent très bien décider, si on ne leur verse plus de dividendes, très bien, de ramasser leurs billes et d'aller dans un autre pays. Oui, on se passera d'eux. Parce que si on dépense, si vous voulez, s'il faut donner une prime de souffrance et de misère générale pour complaire à quelques riches, on se passera d'eux. C'est pas la question, mais comment faire ça sans pénaliser les entreprises? Mais ne vous inquiétez pas, les riches ne sont pas tous forcément hostiles à leur patrie, ils ne détestent pas tous les travailleurs. C'est pas la question. Ma réponse. Je vous dis qu'il faut aussi compter sur le patriotisme, sur l'intérêt avec les gens. Puis après, il y a la contrainte, bien sûr. Il y aura de la contrainte. Mélenchon. Écoutez, aucun d'entre vous n'a été empêché de dormir quand M. Macron a nationalisé la main-d'œuvre. Parce que quand il a fait le chômage technique payé pour tout le monde, ça s'appelle nationaliser la main-d'œuvre. Quand moi, je proposais ça dans la France insoumise, il me disait « t'exagères ». Bon, ben, vous voyez que c'est possible. De la même manière que vous avez prêté plus de 150 milliards avec le prêt garanti d'État, alors ça vous empêche de dormir? Non, moi je fais mieux. Ça veut dire il faut nationaliser certaines des grandes entreprises françaises? Ah oui, bien sûr. Lesquelles? Sanofi. Sanofi qui vit à 80% de l'argent de la sécurité sociale. Ils font rien, ils produisent rien de particulier. Justement. Et ils ont vidé la caisse. Justement. Alors, info que je vous donne, là, la Commission européenne ne renouvelle pas son contrat avec AstraZeneca après le mois de juin. Annonce de Thierry Breton qui vient de tomber. On sait les difficultés qu'a eu l'Union européenne en approvisionnement et puis les doutes en termes de... Ce sont des incapables. À la Commission européenne. Des incapables et des bons à rien. Alors, ils font des contrats qui marchent pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème aussi avec AstraZeneca? Mais non, il y a un problème avec la Commission européenne qui est bonne à rien. Parce qu'elle a été incapable d'approvisionner l'Europe en vaccins, elle a été incapable de demander aux entreprises européennes qui en étaient capables, parce que vous savez comme moi qu'il y en a une en Bretagne qui a vendu d'ailleurs tous ses produits aux Anglais, oui, donc vrai. Ils n'ont rien fait, et ils sont là, blablabla, blablabla, bla, bla, et puis gesticulent. Ils sont incapables, et nous les Français, nous devrions avoir honte d'être dans le pays qui a inventé les vaccins et d'être incapable d'en produire un quand Cuba arrive à en produire un. Et quelle leçon on en tire? Ça veut dire qu'il faut réorganiser la manière dont l'Europe fonctionne, ou ça veut dire qu'il faut donner à chaque pays l'initiative de se procurer ses vaccins? Non, mais surtout, pas s'occuper d'Europe, parce que tout ça n'est de rapport avec l'Europe que parce qu'ils considèrent le médicament comme une marchandise. Nous sommes pour un pôle public de médicaments. La première fois que j'ai dit qu'on produisait plus une molécule de Doliprane, alors je me rappelle de votre collègue qui me regardait en disant « Mais qu'est-ce qu'il a encore trouvé aujourd'hui ?» Hein ? Eh ben maintenant, vous êtes tous bien chocolat, parce que nous ne savons plus produire nos médicaments. Et il n'y a pas que le Doliprane, il y a les vaccins aussi. On sort d'Europe, précisément. Ah, vous allez me rendre hommage, parce que j'ai été le premier à Biden, dire qu'il absolument, Joe Biden qui dit « On demande la levée des brevets ». Et après, ouais. Les États-Unis, Emmanuel Macron suit, alors que c'était plutôt tiède jusque-là. Oui, non, mais on s'en fout de Macron, il ne compte pas. Il compte plus sur la scène internationale, ce que dit Macron, ça compte pas. Et dit, effectivement, c'est une bonne idée. Extraordinaire. Écoutez, ça arrive de temps à autre, il faut bien que je m'en charge moi-même, parce que sinon personne ne va le dire. Mais j'ai quand même été le premier à dire, avec les Insoumis, mais honnêtement, ça m'avait été soufflé par mes amis d'Amérique du Sud. On a fait une pétition avec Lula, mondial, je suis allé devant le Parlement andin pour plaider cette histoire-là. Bon, le vaccin, écoutez, rappelez-vous que vous êtes français, en France... C'était interdit de déposer un brevet jusqu'à 1959 sur un vaccin. C'était interdit. Dans notre conception du monde, quand on trouvait un vaccin, c'était pour guérir tout le monde, pas pour juste guérir ceux qui peuvent payer. Alors, Pfizer s'est gorgé d'argent, Sanofi nous a fait les poches et les arrière-poches et le sac, hein, ils nous ont pris tout ce qu'ils pouvaient, sans rien nous donner en échange, et bien maintenant... Le vaccin, il doit être gratuit, tout le monde doit pouvoir en produire. Aujourd'hui, en France, on nous dit, mais nous en produisons. Alors, on fait tous semblant de le croire, c'est pas vrai. En fait, on met en flacon. On est un pauvre pays, hein, sous-développé, qui met du vaccin en flacon parce que c'est même plus le produire nous-mêmes. Bien sûr qu'on saurait. Si je m'en étais occupé, vous en auriez eu. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation ce midi. Si j'étais riche, oh, si j'étais digue riche, da moi, hey, adieu la charrette, digue tous les jours je digue riche, da moi, je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel sur la place du marché. Des murs plantés bien droits sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. Et plein ma

De chance, hein? Et mon arrière. Vous vous souvenez, ouais? Par l'enfer. Please. For San Francisco, 6307X7. Allô? Cabine radiophonique, oui. Pour San Francisco. En Pennsylvanie. Combien tu m'as dit? 6307. C'est ça, 6307 comme X7 à San Francisco. Yes, yes. Thank you very much. San Francisco, cabine 7. Et mon annière. C'est vrai, j'ai demandé le 22 annière, c'est pas tellement loin, c'est à 2 km. Alors si vous aviez... Excusez-moi, ça... Bitte. Excuse me. Fräulein, bitte, es present in Deutsch? Ja. So. Für Berlin. Karl von Straßen 2, Alexanderplatz. Mm-hmm. Verstehen Sie? Ja. So, so, wie? Ja. Hallo? Passez-moi Berlin. Hallo, Berlin? Hier, Gross Paris. Ja, so. Bitte. Zwei Alexanderplatz. Zwei Alexanderplatz. Karl von Straßen. Ja. So. Danke. So. Berlin. Kabine 5. Wie viel? 5. Dankeschön. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Et mon annière. Dis donc, vous faites exprès ou quoi? Vous pourriez pas me passer New York? Faudrait savoir ce que vous voulez. D'un seul coup, j'ai dit, tiens, je veux New York. Alors, passez-moi New York. Non, non, New York, tout simplement. New York, cabine 1. Hello. Hello, New York. Dites donc, vous pourriez pas me passer le 22, Agnès? Ok, donc il protège Nestlé, c'est effectivement important. Juste pour bien que tout le monde comprenne de quoi on est en train de parler. Moi, il y a une chose qui m'a hallucinée, parce que moi j'étais à la marche à Volvic le week-end dernier, et j'ai appris que dans les hauteurs de Volvic, du fait de l'incertitude sur l'état de la nappe, maintenant, ils ont jusqu'à nouvel ordre interdit tous les permis de construire des gens, pas pour des questions d'artificialisation, pas pour, mais parce que, eh bien, ils sont pas sûrs d'avoir de l'eau à donner aux nouveaux habitants qui s'installeraient sur ces hauteurs-là. Ce qui est quand même incroyable de penser qu'en France, on a des choses comme ça. Mmh. Qu'est-ce que concrètement, ça veut dire? Les conflits d'usage de l'eau, quand vous dites les conflits d'usage de l'eau, ils ont commencé lorsqu'on a permis à Nestlé d'arriver et puis après de pomper de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour les habitants, pour les acteurs économiques autres? Est-ce que vous pouvez essayer de concrétiser un peu la chose pour que tout le monde comprenne ce que ça veut dire que d'avoir Nestlé qui pompe dans la nappe près de chez soi? Pour les habitants de Vittel, ça commence à vouloir dire que peut-être ils n'auront bientôt plus d'eau à leur robinet. Il y a déjà des villages dans les environs de Vittel qui, depuis plusieurs étés, n'avaient plus assez d'eau et étaient obligés d'être alimentés par des camions citernes. Ça a disparu. Hein. Cet été, il n'y a plus ce genre de situation parce que, vraisemblablement, il y a eu des... Oh, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais il y a sans doute eu des travaux d'interconnexion. D'interconnexion qui font que maintenant, l'aide, elle se passe en souterrain, elle se passe plus en surface, hein, par des camions. Ça se passe directement sous terre par des tuyaux. Mais le sujet est le même. Il y a des communes qui n'ont plus assez d'eau et il faut leur en apporter. Il faut que les communes voisines leur en apportent. Hein, l'exemple du Pipeline montre que ici, c'est à Vittel, Nestlé pompe et pour lui permettre de continuer à pomper, puisque les habitants risquent de ne plus avoir assez d'eau, avec les nappes qui sont sous leurs pieds, on va aller chercher de l'eau ailleurs. Hein, donc, on a on risque d'assécher, d'épuiser en eau un secteur, mais comme il reste encore un peu d'eau, il faut laisser Nestlé continuer à pomper et on va aller chercher de l'eau ailleurs pour en amener aux habitants. Donc, il y a le projet de pipeline, il est abandonné, mais il continue. Il continue dans la même logique. Il continue à vouloir aller chercher de l'eau ailleurs. De l'eau ailleurs. Et ils iront chercher partout où on leur laissera en prendre. Hein, voilà. Ça, c'est l'impact sur les habitants. Il faut quand même dire que tout ça, ça commence à être un peu visible parce que il y a une sécheresse qui est récurrente dans les Vosges. Il y a un nombre très impressionnant de communes qui ont été déclarées en état de catastrophe naturelle en 2018, en 2019, en 2020 aussi, dont les communes de Vittel et de Contrexéville en 2018 et 2019. Donc, les gens commencent à se dire « Ah, ben, c'est peut-être possible qu'un jour on manque d'eau », mais ils ne font pas le lien entre la surface et la profondeur. Qu'ils s'imaginent qu'il y aura toujours de l'eau dans les nappes profondes. Et ça, c'est alors, hyper important. Si elles sont épuisées alors qu'elles sont normalement alimentées en partie par les nappes plus superficielles, si cette nappe profonde est épuisée, on peut quand même s'interroger sur l'état des nappes superficielles. Il est vraisemblable aussi que ces nappes-là sont en train d'être vidées. Ça, c'est hyper. Et on n'a pas d'information là-dessus. Hein. Ça, c'est secret professionnel. Ça, c'est commercial. Secret commercial. Voilà. Donc, c'est vraiment important ça parce que, enfin, je pense que vraiment, pour le coup, la lutte que vous menez, elle est exemplaire dans plein d'aspects et qu'il y a vraiment un enjeu à faire connaître ça aussi à des gens qui habitent pas forcément dans le même secteur que vous et qui, enfin, qu'on se rende compte de à quoi ça mène. De laisser une prédation se faire sans aucun contrôle jusqu'à ce point-là, jusqu'au point où l'intérêt du plus grand nombre n'est absolument pas respecté. Je me demandais si vous pouviez raconter aussi, alors je ne sais plus exactement ce que faisait cette personne-là, mais le couple ou la personne, je ne sais plus, qui s'occupait, qui était avec ses moutons, je crois, oui. Et qui a dû partir. Ça, c'est aussi des exemples de ce que ça crée aussi sur des acteurs économiques qui sont importants, mais qui sont eux petits et qui ne sont pas les grandes multinationales. Est-ce que vous pouvez redonner cet exemple-là aussi pour... Oui, il est assez emblématique et il a fait le bonheur des chaînes télévisées en Allemagne, en Suisse, un peu en France aussi. En fait, le couple Benoît et Ghislaine a été sollicité par Agrivert, la filiale de Nestlé, pour venir essayer de sauver toute une plantation de pommiers que Nestlé avait réalisé il y a une quinzaine d'années. C'est 30 000 pommiers qui ont été plantés sur tout près de Vittel et Nestlé voulait ouvrir une usine de petits pots de compote de pommes pour bébés. Bon, pourquoi pas, hein, après tout. Et puis Nestlé voulait surtout faire une grosse opération de communication sur son engagement vert, hein, pour les arbres, pour la biodiversité. Voilà. C'était d'abord ça, l'engagement des pommiers. Plus l'emploi, hein, bien sûr. Et donc, Benoît, qui a des grosses compétences agronomiques, a été sollicité. Il a bossé à l'INRA de Dijon, etc. Et est venu s'installer avec Ghislaine. Et un nombre important de moutons, c'est de l'ordre de 600-700 moutons, c'est pas rien du tout, sur les 35 000, ce qui représente 70 hectares de terre sur lesquels il a développé de l'agro-pastoralisme. Et bien sûr, comme contrepartie, il lui fallait de l'eau, puisque ces moutons vivaient toute l'année en dehors. Et donc, on lui a certifié qu'il aurait de l'eau. Il a même eu le directeur de Nestlé Waters France, qui est venu chez lui, qui a dit « pas de problème, vous aurez de l'eau ». On ne lui a jamais installé de concession. Alors, l'installation de l'eau dépend de la mairie, mais comme il n'est pas propriétaire des terres que c'est Agrivert, la mairie lui disait « si Agrivert demande, on le fera, mais si Agrivert demande pas, on le fera pas ». Enfin, il s'est fait lanterner, ce qui fait que tous les jours de leur vie, ces gens-là, on les a aidés avec des tonnes d'eau, aller chercher de l'eau pour leurs moutons, un mètre cube pour les différents moutons en hiver, et puis jusqu'à 4 mètres cubes par jour, pour l'ensemble en été, etc. Donc, ils se sont épuisés. Ils n'avaient pas le droit, et ils ont respecté cette absence de droit, de réouvrir les puits qui étaient sur leur terrain et qui avaient été bouchés par un hiver. Donc, ils avaient l'eau tout près des moutons. Ils n'ont pas pu l'utiliser. Donc, ils se sont épuisés et ils ont décidé de partir. Ils sont aussi partis après de nombreux contrôles de différentes administrations. Qu'il s'agisse de la fiscalité, des contrôles agricoles, etc., qui peut faire penser qu'une certaine forme de harcèlement administratif était en œuvre. Voilà, ils sont aujourd'hui bien plus heureux en Creuse. Merci beaucoup. Je pense que c'est très éclairant, effectivement, d'avoir ces exemples de ce que ça crée. Alors, peut-être pour continuer sur une des choses que vous avez commencé à évoquer, mais qui est importante. René-Lise, vous parliez donc du Canada, des États-Unis, du Brésil. Vous vouliez aussi nous parler, ça je pense que c'est vraiment important, de la stratégie mondiale qu'il y a derrière ce que vous êtes en train de vivre à Vittel contre Nestlé et de l'embouteillage au niveau national et international. Donc je veux bien vous entendre aussi sur cette question-là. Oui. On peut peut-être commencer sur l'embouteillage au plan national, comment ça se passe, hein, avant d'aller à l'international. Au niveau national, bon, au niveau de la France, on a deux multinationales de l'eau, deux multinationales agroalimentaires qui embouteillent l'eau. C'est Nestlé avec Vittel et par Contrex sur le site de Vittel et Perrier sur son site de Vergès dans le Gard. Puis la deuxième multinationale, c'est Danone, avec ses eaux Volvic, Badois, Evian, je ne sais pas bien s'il y en a d'autres. Donc, ces deux multinationales-là sont vraiment les poids lourds de l'embouteillage ici en France. Il y a par ailleurs, il ne faut pas les oublier parce qu'elles prennent de plus en plus de poids, des entreprises qui étaient à caractère local, puis régional, qui sont en train de prendre une ampleur nationale. C'est par exemple le groupe Alma qui a été racheté par Neptune, hein, donc maintenant c'est Neptune Alma qui fabrique la cristalline et bien d'autres marques. Et puis c'est aussi le groupe Augeux qui est né dans le sud-ouest de la France, si je me souviens bien, et qui a aussi des quantités d'autres marques. Pourquoi ces groupes régionaux nationaux ont beaucoup de marques? Parce que leur stratégie, c'est d'embouteiller sur place ce qu'ils peuvent et de vendre leurs bouteilles en proximité, en circuit court. D'où la création de multiples sites d'embouteillage avec à chaque fois une marque forcément à caractère local, reconnaissable localement puisqu'elle est destinée à être vendue en circuit assez court, le plus court possible localement. Donc, ce n'est pas les mêmes stratégies qu'avec Nestlé. Voilà, on l'a vu, qui a un marché national mais qui de plus en plus exporte, va exporter massivement avec l'eau de Perrier, et puis Danone qui est aussi sur des stratégies d'exportation. Hein. Evian est très, très vendu aux États-Unis. Voilà. Et puis, mais il y en a d'autres, des gens qui se mettent à fabriquer de l'eau. Et ce sont par exemple des tout petits groupes familiaux qu'on a rencontrés à Mérins, puisque nous sommes allés les soutenir contre un projet d'embouteillage en pleine vallée, dans une magnifique petite vallée de l'Ariège qui est maintenant massacré par une usine absolument hideuse. Eh bien, dans Amérins, c'est une petite compagnie qui s'appelle la Compagnie des Pyrénées. Au départ, c'est quoi? C'est quelques petits financiers, assez obscurs d'ailleurs, voilà, qui se présentent comme une petite famille qui va mettre de l'eau en bouteille et la vendre localement. Hein. Enfin, qu'est-ce que ça va devenir, ça? Que vont-ils faire de l'eau après ces gens-là? Des gens qui n'ont aucun métier dans l'embouteillage. Voilà. Et puis, il y a aussi les grandes chaînes de distribution qui se mettent maintenant à non seulement à vendre de l'eau sous leur étiquette, hein, puisque Cora, des groupes comme ça vendent déjà de l'eau avec l'étiquette de la grande distribution, mais c'est de l'eau fabriquée par les groupes qu'on a vus tout à l'heure. Hein. Mais on nous a dit qu'en Allemagne, par exemple, le groupe Lidl est en train d'intervenir pour acheter directement de l'eau et la fabriquer les bouteilles d'eau et la marchandiser. Hein, donc, si les grands centres de distribution se mettent eux aussi à faire main basse sur l'eau, on n'est pas sorti de l'auberge. Et puis, alors, le clou, c'est que maintenant, on vend de l'eau du robinet en vrac. Voilà, et nous avons vu, par exemple, que depuis 2017, une chaîne comme Biocop, qui pourtant a... à la sympathie de tous les écolos du coin. Nous-mêmes, on a un biocoop à Vittel. Eh bien, à Rennes, par exemple, depuis 2017, biocoop vend de l'eau en vrac, du robinet en vrac. Et nous a-t-on dit, il y a plusieurs biocoop qui le font, c'est plus ou moins payant. Hein. Mais voilà, Cora s'y est mis aussi, Super U s'y est mis aussi, et peut-être d'autres centres de distribution depuis. Et il y a des industriels, il y en a un par exemple qui s'appelle H2O, qui a inventé une machine installée dans les magasins pour distribuer l'eau du robinet en vrac. Et en vrac, c'est-à-dire avec des bouteilles en plastique réutilisable qu'il commercialise en même temps. Au bout du compte, dans ces situations-là, hein, de distribution avec une vente de bouteilles réutilisables, le prix de la bouteille, ça revient à 1,50 € le litre. Hein, la bouteille, pardon. Donc, ça fait 25 centimes le litre, un truc comme ça, c'est aussi cher que de l'eau en bouteille. Voilà. Ça, c'est le. Donc, au niveau national, nous, on est en lutte contre Nestlé, les Volvic, c'est contre Danone. Ici, ça serait un autre groupe, ça serait pareil. D'ailleurs, peut-être un jour, Nestlé vendra à un fabricant régional. Peut-être il vendra un jour à Alba Jeu ou à je ne sais qui, hein, ou à un fonds de pension qui continuera à faire tourner. Donc, qui que ce soit qu'on a en face de soi, qui est en situation de prédater notre eau pour la mettre en bouteille, il faut le combattre. Il faut le combattre. Et ça n'est pas moins difficile de combattre un petit groupe qu'un gros. Mmh. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, dans le cadre du sujet national, international, assez tôt, pourquoi je dis ça, dans toutes les commissions dans lesquelles on participait, à chaque fois qu'on mettait en cause Nestlé, ils disaient, mais les choses que vous nous racontez, San Bernardino en Californie, je les connais même pas, nous disait le directeur. Non, il faut que notre sujet, il est local. On a un problème local, on ne dénie pas, mais on se met autour d'une table, on travaille ensemble et on va trouver des solutions. D'accord ? Et là, on s'est vraiment dit, il faut internationaliser le conflit. D'autant plus, et ça rejoint la question de tout à l'heure, c'est la population vitale. On a de plus en plus de signes de sympathie, mais de moins en moins de signes d'action. Parce que les gens, ben, ils dépendent de l'usine et de l'emploi. Et je serai à leur place, je me mets à leur place, je les comprends. Hein. Donc on s'est dit, il faut internationaliser. Et on a commencé, on a eu la chance de pouvoir le faire par nos contacts, dès le début 2018, où les Canadiens sont venus à Vittel. Ensuite, en novembre 2019, on est allé au Canada, aux USA, etc. On a solidarisé nos luttes avec tout ce qui compte de Nestlé là-bas. Ça s'est un peu arrêté à cause de la crise Covid, puisqu'on devait faire un truc en Suisse l'an dernier, lors de la Journée mondiale de l'eau. Mais on s'était aperçu aussi, entre-temps, qu'il y avait une stratégie mondiale des multinationales de l'eau. Ça n'est pas que Nestlé ou Danone ou Coca, mais qu'il existe une structure qui les fédère, qui s'appelle le Water Resources Group 2030. Alors, je me suis toujours demandé ce que voulait dire le 2030. Bah, c'est son président, qui est l'ancien patron de Nestlé, qui dit, ben, 2030, on aura encore du pétrole, mais on aura vraiment des problèmes. Bon, moi, je pense que ça donne une bonne idée des limites. Hein. Donc, c'est Peter Brabeck qui préside cette structure, qui rassemble Nestlé, Danone, Coca, Pepsi. Donc, oui, ils sont en concurrence, mais oui, ils sont amis aussi. Hein. Et tout ça a des partenariats avec Total, avec Veolia, etc. Donc, c'est une emprise mondiale du sujet. Et voilà, et c'est la raison pour laquelle bah, on s'est tourné vers l'ensemble de ces mouvements pour internationaliser nos luttes, tout simplement. Quoi. Je rappelle en passant que la France et l'Italie sont les premiers consommateurs d'eau en bouteille du monde. Pourquoi ? On sait ça, pourquoi ? Bah, je pense que c'est historiquement ça. Je n'en connais pas bien les raisons. Est-ce que sur la lutte, est-ce que vous avez, sur votre lutte à vous, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Déjà, merci beaucoup parce que c'était vraiment très très clair. Et après, je voulais vous poser une dernière petite question sur la campagne, mais peut-être qu'avant vous vouliez rajouter quelque chose. Je ne sais pas si on a le temps. Bon, je le dis comme ça, puis c'est pas faux. Vas-y, bien sûr. C'était juste sur la publicité. Ouais, vas-y, bien sûr, c'est hyper intéressant. Il y a une offensive en matière de pub de la part des multinationales, hein, qui sont des poids lourds parce qu'elles ont des gros budgets de communication, contrairement aux marques régionales. Et ce qui se passe à Vittel, c'est un peu la même chose qui se passe à Evian, par exemple, ou dans toutes les villes dans lesquelles il y a des sources qui sont exploitées par des embouteilleurs et qui, historiquement, étaient des stations thermales, qui essaient de se reconvertir en stations de spa, etc. L'image de l'eau à Vittel, elle est adossée à la station, hein, depuis le 19e siècle. Donc, au départ, c'était une image d'eau thérapeutique, voilà, pour les goutteux, pour ceux qui ont mal ici, qui ont mal là. Avec à Vittel, c'est spécifique un peu à Vittel, une image de station de luxe mondaine, une station de l'entre-soi. Ensuite, cette image-là, elle n'était pas porteuse pour le plastique, hein, et pour la mondialisation. Donc, dans les années 70, exit l'image de l'eau pour malades. Voilà. On associe l'image de l'eau à l'image du sport. Et ici, à Vittel, la station, elle a été transformée en centre d'entraînement sportif à l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin. Donc, il y a eu un centre pré-olympique construit ici. Et là, pour les JO 2024, on réactive. Hein. Donc, l'image du sport, beaucoup plus porteuse. Le Tour de France, vous avez tous vu la caravane du Tour de France avec Messi, ça date des années 70. Ouais. Là, ils lâchent un peu parce que ce qui les intéresse, c'est des compétitions qui ont encore plus d'audience. Mais bon, voilà, l'image du sport, elle est portée, l'image de Vittel, elle est portée à très haut niveau dans des compétitions d'envergure internationale, mondiale, parce qu'il faut vendre au niveau du monde entier. C'est pas parce qu'ils préfèrent le sport international ou le sport amateur. Non, c'est parce qu'il y a une vente à faire derrière. Dans les années 80, ils ont ajouté une couche à cette image, c'est l'image de bien-être. De bien-être. Et au niveau de la station, ben, ça a correspondu à l'arrivée du Club Méditerranée. D'accord? Nous sommes toujours dans une image de bien-être, quand même, qui s'adresse à des gens qui ont certains moyens. Hein. Voilà. Et dans les années 90, arrive l'image de biodiversité. Tout ça, ce sont des couches qui s'empilent. Hein. La biodiversité, avec Agrivert qui porte toute cette stratégie de communication, de verdissage. Donc, depuis les années 2000, on est sur une image verte et sur des valeurs partagées. Donc, Agrivert, eh bien, d'abord, on a montré qu'elle s'adressait à des agriculteurs. Et puis après, on a ajouté les forestiers, l'ONF, hein, sur les forêts. Et puis, on a complété cette image avec une image territoriale qui a associé des politiques. D'accord ? Tout ça, c'est dans l'histoire de la com. Et puis, depuis 2016, création du collectif, quand même, 88, et puis aussi le lancement d'actions répétées de la part d'ONG comme Some Office International ou Greenpeace, hein, la communication est quand même massivement centrée sur des réponses à des attaques de ces ONG et de ces collectifs. Nestlé essaye de montrer à travers ses pubs que non, l'eau en bouteille, c'est pas dangereux pour la santé. Non, l'eau en bouteille, c'est pas dangereux sur l'environnement. Non, l'eau en bouteille, ça n'est pas du tout dangereux pour la ressource en eau. Et puis, nous, on s'engage pour la préservation de la biodiversité. Hein. En 2020, Nestlé a fait 3 campagnes publicitaires. 3. La première, c'était le Tour de France, avec comme message le tri. Il faut trier, c'est votre responsabilité individuelle de trier. Et ensuite, il faut recycler. Ça, on s'en occupe avec Veolia. Ils sont partenaires avec Veolia sur le recyclage. La deuxième campagne de publicité, c'était cet été, c'était la saga avec les écureuils boxeurs, vous savez, et puis les petites... Non, c'est les abeilles boxeuses et les écureuils qui faisaient du basket. Donc là, c'est l'image de vitalité, biodiversité et sport. Et puis la dernière campagne, c'est à destination de la presse, ça s'appelle démêler le vrai du faux, peu importe. Là, c'est Perrier contre Exvitel. Et l'objectif, c'est de communiquer sur les objectifs de fabrication du PET recyclé, tri recyclage, la neutralité carbone, la biodiversité, voilà. Et là, en 2021, je suis allée voir tout à l'heure, ça change tout le temps. En 2021, il n'y a plus qu'un message chapeau, c'est préserver la biodiversité. Et sous ce chapeau, eh bien, on retrouve dans l'ordre. L'ordre est très important parce qu'il change. Premièrement, les écosystèmes et la nature. C'est passé en première position. Deuxièmement, la ressource en eau. Ils avaient un slogan absolument fameux qui s'appelait « Puiser sans épuiser ». Bah, bon, enfin, avec l'exemple de Vittel, ils ne peuvent plus utiliser ça. Donc, ça a été remplacé par « Garantir une gestion durable et responsable de l'eau ». Voilà. Et puis, la troisième action, c'est les emballages en plastique. Comme le plastique est très attaqué en ce moment, qu'il y a des gens comme nous qui disent, et d'autres qui disent, non, mais le plastique recyclé, ça reste du plastique. Hein. Donc, voilà, ça pollue toujours. Donc, vous allez fabriquer plus de bouteilles en plastique recyclé, mais ça va toujours faire autant de pollution. Alors, ils se mettent à communiquer maintenant sur des emballages faits avec autre chose que le pétrole directement. C'est ce qu'ils appellent les emballages biosourcés, avec des fibres végétales, etc. Sauf qu'on va planter, on va faire des cultures pour les emballages biosourcés sur des terres agricoles qui servaient avant à nourrir la population. Donc, ça ne va pas non plus. Vous voyez, c'est un non-sens, ça reste un non-sens sur le plan écologique. Puis donc, leur dernier point, c'est l'empreinte carbone. Alors, avec des camions électriques, avec des locomotives électriques, etc. Bon, mais on continue à transporter d'un bout à l'autre du monde de l'eau. Hein, voilà. Et avec des procédés de fabrication, comme ceux qu'on décrivait tout à l'heure, qui sont extrêmement consommateurs d'énergie. Hein. Pas se faire une illusion. Voilà. Donc, voilà, je voulais juste attirer votre attention là-dessus quand vous regardez des publicités. Regardez, c'est extrêmement enrichissant. C'est valable pour Nestlé. C'est valable pour, je pense, Danone, sur son site, c'est, je connais pas aussi bien, mais c'est à peu près la même chose. C'est les mêmes types. Oui. Mais c'est hyper intéressant d'avoir rajouté ce point-là parce que, par exemple, à Volvic, bien, ils ont changé leur logo pour que leur logo soit vert, justement. Voilà, pour que ça apparaisse, effectivement. Bon, nous, on appelle ça du verdissage, de l'enfumage. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que les minéraliers sont dans l'impasse en réalité. Oui. Sans faire le faux visionnaire, ils sont dans l'impasse. Il ne faut pas les aider à en sortir. C'est ça. Donc les problèmes de. Je lâcherai pas là-dessus. On pourrait remplacer, c'est la campagne Greenpeace, hein, remplaçons le plastique jetable par du plastique réutilisable. Non. Non. Remplaçons le plastique par du verre. Non. Non. Écologiquement, remplaçons le plastique par des emballages biosourcés. Non, non, parce que de toute façon, la question est, ils pillent notre eau. Ils la sortent du cycle de l'eau. Ils l'emmènent ailleurs. L'eau est perdue pour nous. Et on nappe se vide et on va avoir besoin de l'eau avec le changement climatique. Et cette eau, on ne l'aura plus. On ne l'aura plus. Et eux auront remis la main sur d'autres sources. Vous avez vu la mise, la bourse, comment ça s'appelle, la financiarisation de l'eau, hein, le marché de l'eau. Les sociétés à capitaux d'investissement vont investir dans l'eau. Nestlé a vendu ses marques américaines à une société capital investissement. Donc ces gens-là vont mettre la main sur l'eau et ils vont la vendre en bouteille ou pas en bouteille. Ils la vendront aux agriculteurs. Ils la vendront aux industriels, elle sera vendue. Elle sera vendue aux habitants très cher. Mmh. Ça, c'est important parce que, donc, effectivement, ce à quoi vous faisiez référence, c'est donc depuis décembre 2020, où en Californie, on peut spéculer sur l'eau en bourse, et on l'a vu aussi avec l'Australie, qui est le premier pays à avoir fait des marchés sur l'eau, où il y a une spéculation lors des sécheresses. Avec plein d'agriculteurs qui se retrouvent complètement pris à la gorge, qui doivent tout vendre parce que ils n'ont plus accès à l'eau. Donc voilà, je retiens la phrase « ils pillent notre eau ». Et alors peut-être pour terminer, si vous pouviez chacun dire pourquoi, puisque nous sommes partenaires dans cette votation, donc sur lequel tout le monde peut aller voter sur au.vote. Pourquoi est-ce que vous incitez les gens à voter oui pour que l'eau soit inscrite comme un commun dans la Constitution avec l'interdiction de la marchandiser ? Nous, on part, enfin, moi, je parle du constat, mais je suis pas tout seul à dire que le statut de l'eau est catastrophique dans nos sociétés, qu'il s'agisse de l'Europe. Moi, je pensais qu'on avait des statuts assez protecteurs en Europe par rapport à l'Amérique du Nord. Ben, ce n'est pas le cas du tout. Hein. Imaginons qu'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis toujours quasiment. Les lois datent du 19e siècle. On peut s'approprier avec de l'argent des nappes profondes qu'on enlève aux habitants. Les seules eaux inappropriables sont les eaux courantes et les eaux du littoral. C'est-à-dire que toutes les nappes profondes peuvent être appropriées. Et ça, c'est prévu par les législateurs dès 1880. Donc, il faut à toute allure, on travaille avec des juristes sur ce sujet, des juristes universitaires, il faut réformer le statut de l'eau, et ça va beaucoup trop lentement. Actuellement, tout ce qui est protection de l'environnement se construit sur du droit patrimonial. Alors, il faudrait quasiment un droit spécifique sur l'eau. Et pas, c'est pas le patrimoine. Le patrimoine, c'est les héritages du père de famille. Voilà, c'est le patrimoine artistique de la France. Alors, l'eau va être un patrimoine. C'est pas un patrimoine. L'eau, c'est la vie. C'est pas le passé. C'est l'avenir. Donc, changer le statut de l'eau, c'est quelque chose de majeur. Et je suis révolté de voir que le Parlement a voté un délit d'écocide, alors que c'est bien sûr le crime écocidaire qui devrait y passer. Donc, voilà, il faut attirer l'attention des gens là-dessus. Voilà. Donc, bah, oui, avec toutes nos tripes, changer le statut de l'eau, protéger l'eau, c'est nous protéger, c'est protéger toute la vie. On est peut-être les moins à protéger dans l'univers de la vie d'ailleurs, tellement on porte atteinte à l'environnement. Merci beaucoup Bernard. René-Lise ? Oh, écoute, bon, moi je rejoins ce que dit Bernard. Ici sur Vittel, c'est très difficile de convaincre les gens de participer à une votation et même d'imaginer dire quoi que ce soit qui pourrait aller contre les intérêts de Nestlé. Donc, aux gens de Vittel, moi, je vais leur dire, parce qu'ils sont complètement le nez dans le guidon sur le problème d'eau en bouteille, c'est de dire il faut arriver à dire non aux multinationales. On veut reprendre notre eau. Concernant l'eau en bouteille, si on veut économiser l'eau, arrêtons d'acheter de l'eau en bouteille. Ensuite, si on veut économiser l'eau, ben oui, il faudra qu'on économise l'eau, il faudra qu'on change nos pratiques. Il faudra qu'on apprenne à être plus économe dans nos pratiques individuelles, et il faudra que dans les activités du département ou dans les activités ailleurs, il faudra trouver des activités qui sont moins consommatrices d'eau. On est dans les Vosges, peut-être dans les Vosges, il faut arrêter de faire du ski. On sera obligé de toute façon, quand il y aura plus d'eau, il n'y aura plus d'eau, on ne pourra plus faire de ski du tout. Sur Vittel, tout le tissu économique est dépendant de l'embouteillage. Il y a un embouteillage, il y a des fabriques de carton, il y a des fabriques de bouchons, il y a des choses comme ça. Le jour où il n'y a plus d'eau, Nestlé partira et il n'y aura plus aucune activité pour personne. Pour les salariés, pour les agriculteurs, pour la fromagerie d'à côté qui a besoin d'eau aussi pour faire ses fromages. Ça sera fini. Donc il faut absolument qu'on sauvegarde notre eau et qu'on inscrive l'eau dans la Constitution comme quelque chose qui ne pourra jamais être vendu. Un immense merci à vous pour cette présentation très claire. Et je suis très heureuse parce que cette votation, c'est non seulement une votation, mais aussi un moment pour faire de l'éducation populaire. Et je pense que c'est vraiment bien que tout le monde entende le combat que vous êtes en train de mener. Donc, vous pouvez partager cette vidéo et bien sûr, aller sur Au Point Vote pour voter. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup. L'eau pour la vie, pas le profit. Exactement. Et l'eau.com et l'eau.com Facebook. L'eau est à nous, pas comme multinationale. Merci de nous avoir auditionnés. Merci beaucoup. Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rang, c'est renfermé, gros ou maigre, il est gras. Rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction. Tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt autour de lui, les jeunes sont partis, les usines ont fermé, tout va très bien pour lui.

Bien qu'elle s'en défende, Lucie Aubrac est une grande héroïne de la Résistance. Professeure d'histoire géo, jeune mère de famille, elle s'engage dans l'armée des ombres dès le début de la guerre. En 1943, alors qu'elle est enceinte, elle fait évader 14 personnes, dont son mari, Raymond Aubrac. Ils partent ensuite ensemble pour Londres, rejoindre les troupes du général de Gaulle. L'histoire de sa vie a été adaptée pour le cinéma par Claude Berry. Lucie Aubrac, comment entrez-vous dans la Résistance? Comment ça se passe? Il y a un déclic? Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez? Ben, normalement, je ne suis pas entrée en Résistance, j'ai participé à la création d'un mouvement de Résistance. Et ça, parce qu'il s'est trouvé que trois événements m'ont fixé sur la nécessité de défendre et son territoire et la démocratie. Le premier événement, j'étais professeur dans un lycée en Bretagne et à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, dans la cour de ce grand lycée sont entrées des voitures blindées, des voitures de militaires avec la croix gammée qui venaient envahir un lieu de culture. Une cour de lycée, c'est pas fait pour recevoir une armée. Il y a à l'intérieur de cette cour des gens qui font un enseignement et voilà que tout d'un coup on les met en face de la barbarie. Alors ça a été mon premier réflexe, si vous voulez, c'est un réflexe patriotique, et je trouve que ce mot est très beau, quoi qu'en disent certains qui veulent crâner. Et puis, le deuxième, ensuite j'étais professeure dans un autre lycée de jeunes filles, et la directrice s'appelait Madame Brunschwig, c'était une femme de grande valeur, et à la fin du mois d'octobre, elle entre dans la salle des profs et elle nous dit, mesdames, aux professeurs femmes, puisque c'était un lycée de filles dans ce temps-là, je viens vous faire mes adieux. Ah, pourquoi, madame? Parce que je suis révoquée. Vous êtes révoquée, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis d'origine juive et le maréchal Pétain a supprimé la fonction publique pour les juifs. Alors je m'en vais, au revoir mesdames. Et c'est là que l'injustice m'a saisie. J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'impossible. Et puis j'étais déjà en train de ruminer tout ça en me disant, protestant avec les gens de mon milieu professionnel, c'est ceux-là que je voyais, et avec qui j'avais des échanges culturels et d'opinions. Et à ce moment-là, voilà que Pétain demande aux parlementaires de modifier la Constitution. Les parlementaires se réunissent, on apprend qu'il n'y en a que 80 qui ont refusé leur confiance à Pétain, et on apprend après qu'il n'y a plus de Constitution. Il n'y a plus d'assemblée élue, il n'y a plus de conseil municipal, plus de conseil général, plus de députés, plus de sénateurs. C'est-à-dire que la démocratie était morte. Et quand on est un professeur d'histoire, qu'on a appris le beau mot de citoyen à ses élèves, tout d'un coup, on est des sujets. C'est pas possible. Moi, j'ai pas accepté. Et en 1939, la résistance, c'est résister, c'est quoi? C'est refuser d'obéir? C'est 1940, madame, parce 1940. Que c'est au moment, c'est ouais. Après l'invasion des nazis au mois de mai 1940. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut discuter avec les gens, puis leur dire je suis pas d'accord. Et c'est comme ça que, avec des professeurs que je connaissais et qui avaient la même opinion que moi, avec des journalistes aussi, parce que c'est les gens qui manient les idées, qui manient l'opinion, les enseignants et les journalistes. On a décidé qu'il fallait protester. Et au début, ben, la protestation, c'était des petits tracts, quelquefois même simplement écrire sur les murs. Et nous avons fondé, avec des professeurs et des journalistes, le mouvement qu'on a appelé le mouvement Libération. Et à ce moment-là, est-ce que vous réalisez les risques qui sont pris? Non, parce que évidemment, on passe pour des gens de menée antinationale. Mais on est quand même dans cette société qui était organisée depuis longtemps, un peu des notables, si vous voulez, des professeurs agrégés, ça courait pas les rues, les grands journalistes non plus. Alors, tous ces gens-là, le Bidault, par exemple, qui avait refusé Munich, on était des gens qui avions une certaine surface et notre protestation, ce n'était pas la révolution, c'était les luttes pour la liberté du territoire et puis la liberté de soi-même en tant que citoyen. Alors, au début, ce n'était même pas les risques. D'ailleurs, on était si peu nombreux au début. Et c'est là qu'on s'est aperçu que si on voulait

de Vosges Matin, une page de publicité, hein, c'est nous qui la payons, en tant que contribuable d'abord et puis en tant qu'abonné ensuite, hein. Alors, gouvernement, liberté, égalité, fraternité. C'est, gouvernement, c'est écrit en gros, et liberté, égalité, fraternité, c'est écrit en, en plus petit quand même, hein. Ouais. Bah oui, faut quand même pas, hein. Bah oui. Bon. Soyons raisonnables quand même. Concours, Robert Villet, concours de la résistance des collégiens récompensés. Voilà. Ensuite, voilà. Alors, la réindustrialisation doit être une priorité nationale. Éric Trappier, président directeur général de Dassault Aviation, nouveau président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, UIMM, se rend ce lundi à Lyon pour participer à la fête de l'industrie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'exprime dans nos colonnes sur la réindustrialisation du pays. Alors il y a une page, une demi-page. Les entreprises, lundi 5 juillet 2021, Vosges Matin. L'armée doit investir dans la guerre des drones. C'est la rubrique défense du lundi 5 juillet 2021, pareil. Hein. L'armée doit investir dans la guerre des drones. Et oui, là, au lieu de faire la guerre entre des êtres humains, comme en 14, vous savez, soldat allemand face à un soldat français, chacun a sa baïonnette au bout de son fusil, et c'est à celui qui tuera l'autre le premier. Hein. Oui, à la baïonnette ou au fusil, à la mitrailleuse, à la grenade défensive, à la grenade offensive, avec des canons, avec des mitrailleuses. Enfin, il y a plein de moyens, hein, mis à la disposition des militaires pour s'entretuer. Des militaires, ce sont en général des civils qui sont habillés en militaires pour quelque temps. Hein. Tiens, changeons de sujet. Enquête. Dupond-Moretti accuse un syndicat de magistrats. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, accuse un syndicat de magistrats. Alors, le RN, de moins en moins d'élus locaux. Depuis 2015, le Rassemblement National a perdu des centaines d'élus locaux sur le territoire. Les régionales de juin 2021 lui ont donné 106 conseillers régionaux de moins qu'après celles de 2015, soit 252 conseillers au lieu de 358 précédemment. Aux élections départementales de juin 2021, il a perdu 36 conseillers départementaux par rapport à 2015, 26 élus au lieu de 62. Depuis les élections municipales de 2020, le parti compte 671 conseillers municipaux de moins qu'en 2014, où ils étaient alors 1498. Ne sont pas comptés les 44 conseillers obtenus par Robert Ménard à Béziers, proche du Rassemblement National, mais étiqueté divers droites. Aux européennes de 2019, le RN n'a perdu qu'un siège de député européen par rapport à celle de 2014. Voilà, alors Zemmour, l'absent, très présent. Bon, eh ben, on verra, hein, on verra bien. Hein. Ah oui, Éric Zemmour, oui, bon, c'est Éric Zemmour, quoi. Hein. Alsace, cocaïne venue de Colombie. 2 points, jusqu'à 10 ans de prison ferme. Meurthe-et-Moselle, à Nancy, les anti-vaccins pendent un faux pompier. Une manifestation déclarée à la préfecture a rassemblé 200 anti-vaccins à Covid samedi à Nancy. Ils ont notamment pendu un mannequin figurant un sapeur-pompier. Ah bon. La polémique enfle. Le maire de Nancy a adressé un signalement au procureur de la République. Bon, voilà. Pourquoi la Lorraine est une terre de logistique? Voilà. Hein. Les implantations logistiques se multiplient dans la région, générant des milliers d'emplois. Voici les raisons pour lesquelles les logisticiens misent sur la Lorraine. Amazon, Lidl, Beck Colruy, Kverneland, Pomona et avant eux Ikea ou Chausséa, les grandes entreprises ont choisi la Lorraine pour implanter leurs immenses bases logistiques. Eh oui, la logistique, c'est une belle science. Ah oui, eh oui, logistique et logique, sont les deux mamelles de la France. Voilà. La commune de Bulnéville s'est inscrite au projet 3 jours post-chimiothérapie, initié par Mélanie Witt. Alors, il y a le sport sur ordonnance, pourquoi pas l'alimentation? Eh ben oui, sensibilisée par Mélanie Witt, la spinalienne qui veut mettre en place des livraisons de repas pour les personnes devant suivre des séances de chimiothérapie, le député Stéphane Viry envisage deux manières de parvenir à faire voter une loi voter une loi dans ce sens. Bon, il manque le dent, mais je rajoute hein, quand même. Ça arrive, des fautes d'imprimerie, hein. Ah oui. Stéphane Viry pourrait déposer un amendement dans le cadre de la loi de finances de la sécurité sociale. Pourquoi tenez-vous à intervenir au niveau parlementaire pour aider Mélanie Witt? J'ai trouvé que son... Witt, il faut dire peut-être, hein, c'est un W, hein. Eh oui, faut tout germaniser, d'aller dire l'autre. Non, angliciser, hein. Faut pas mélanger. J'ai trouvé que son idée et son combat étaient cohérents. Quand quelqu'un suit une chimiothérapie, c'est déjà compliqué à titre personnel, mais aussi pour les proches. Or, la qualité d'un repas bien s'alimenter, cela contribue au processus de guérison. C'est très opportun dans un parcours de santé. Opportun, il y a quelqu'un qui a mis important. Bon, est-ce que c'est opportun ou important qu'il faut mettre? Je ne sais pas. Est-il, vous corrigerez vous-même, est-il vraiment possible de faire voter une loi pour accorder des repas aux malades, à leurs familles? Oui, mais avant d'engager une action à l'Assemblée nationale, je voulais déjà avoir l'avis des médecins. C'est fait, et je pense que nous avons deux options possibles pour légiférer. Vous pouvez en dire plus? Point d'interrogation. Je peux déposer un amendement dans le cadre de la loi sur le financement de la sécurité sociale en septembre prochain, afin que les crédits soient ouverts pour mener une expérimentation au niveau national en imaginant, par exemple, que les médecins délivrent une ordonnance donnant droit à 10 bons de 10 euros pour se faire livrer des repas. Voilà, hein, 10 bons de 10 euros pour se faire livrer des repas. Et à partir de dorénavant, les députés, les sénateurs, les conseillers généraux, etc., toucheront des bons de 10 euros pour payer leur repas. Oui. Ah oui, pendant un certain temps. Ah ben ça, oui, ben c'est le régime, hein. Que voulez-vous? Le régime. Alors, Georges Dany, président de l'association Dom Martin, Histoire et Patrimoine. Dom Martin et Remiremont. Faire découvrir notre village. L'association Dom Martin, Histoire et Patrimoine propose tout au long de cet été des visites de la maison du patrimoine et de l'église après plus d'un an de fermeture suite à la pandémie, tout en respectant les gestes barrières. Georges Dany, le président de l'association, s'est prêté au jeu de l'interview, ou peut-être de l'entretien. Hein, si à Dom Martin, je pense qu'on parle le français et pas l'anglais. Mais enfin bon, je sais pas. Hein. Quel est le but de ces visites? Le but est de faire découvrir au plus grand nombre, Picauzet et autres, tout le patrimoine fort riche de notre village, tels que les objets religieux classés, la maison du patrimoine ou encore l'église. Y aura-t-il une exposition temporaire cette année? Bien sûr. Celle prévue l'an passé à l'occasion des 1400 ans de la création de l'abbaye du Saint-Mont, intitulée « Les possessions du Saint-Mont » à Dom Martin, avec les fermes, les forêts, les étangs et quelques autres curiosités, la présentation d'une poutre d'époque sculptée et une reconstitution de deux lits à alcôve de la chambre des moines de la ferme de Dom Martin située derrière l'église. Seront également exposés de nombreux documents, actes de propriété, etc. Quand pourra-t-on visiter la maison? Tous les dimanches de juillet et août, de 14h30 à 17h30, ainsi que les trois premiers dimanches de septembre, dont le 19 septembre, journée européenne du patrimoine. Voilà. Ensuite, et puis on en restera là, Jean-Luc Mélenchon. Après l'union de la gauche, vive l'union populaire. Ouf, l'insupportable suspense prend fin. Suspense. What is it, suspense? On n'avait plus d'ongles à ronger, plus de cheveux à s'arracher et plus de mains à se tordre d'angoisse. Ce matin, 30 juin, Éric Piolle annonçait sa candidature à l'élection présidentielle. Ce soir, ce fut Yannick Jadot. Avant cela, David Cormand, influent ancien secrétaire national des Verts, avait asséné, deux points, ouvrons les guillemets, pour asséner, une candidature commune de ELV et du PS n'aurait pas de sens. Ah bon? Avant hier, fermons les guillemets, hein. Avant hier, Olivier Faure avait non seulement répété qu'il y aura une candidature du PS, mais qu'elle seule serait en état de rassembler blablabla. le contraire de ce avec quoi il avait réussi à berner pendant des mois presque tout le monde, des commentateurs et autres choristes à l'unité à tout prix. Le contraire des réunions pour la candidature commune convoquée par Jadot lui-même est stoppé sans crier gare et sans question à ce sujet de qui que ce soit. Et puis, Anne Hidalgo vient de reprendre à zéro sa campagne de lancement. Elle réfléchit, prépare un groupe pour un projet, réunit des soutiens de notables. À noter le terme notable. Après avoir dit qu'on verrait bien en février prochain. Ainsi se confirme en fait ce que tout le monde savait depuis des mois et des mois. Il y aura une ou plusieurs candidatures issues du pôle écolo, dans et hors la primaire de ce parti. Et il y aura au moins une candidature du PS. Tout le monde le savait. Tout le petit monde. Mais le feuilleton de cette comédie va avoir lieu. Chacun joue de gros de gré ou de force le rôle qui lui a signé la petite galaxie du commentaire politique. Pourtant bien au courant de la situation réelle. Pour ma part, c'est en le sachant que j'ai pris ma propre décision d'être candidat en novembre dernier. Je ne m'en suis jamais caché, en me demandant seulement doctement si ce n'était pas trop tôt, entre guillemets trop tôt. Question de fond, on le sait bien. Quand leur demandera-t-on si ce n'est pas trop tard de se déclarer candidat seulement 8 mois avant l'élection, sans programme et sans équipe.